Des traces sur la neige. Regarde ces traces. Ces traces sont sur la neige. Ce sont des traces d'animaux qui vivent dans la neige. Regarde ces traces. Qui est passé là? C'est le cougar. Il a fait ses traces sur la neige. Regarde ses traces. Qui est passé là? C'est ce lapin. Il a couru sur la neige pour s'enfuir du cougar. Il a fait ses traces sur la neige. Regarde ses traces. Il y a de grosses traces et de petites traces. Qui est passé là? C'est ce raton laveur. Il est descendu de son arbre pour trouver de la nourriture. Regarde ces traces. Qui est passé là? C'est ce pingouin. Il a rampé sur la neige et a laissé ses traces. Regarde ses traces. Qui est passé là? C'est ce renard. Il cherche un endroit où dormir. Regarde le renard. Il ne fait pas de traces sur la neige. Il dort. Regarde ces traces sur la neige. Des humains ont fait ces traces.